Pris sur le vif. Écoutez. Comment se présente le bilan cette année? D'une manière satisfaisante, puisque nous finissons l'année avec des résultats positifs. On peut étudier rapidement les variations par rapport à celui de l'année dernière? Oui. Je m'en tiendrai à faire remarquer que les immobilisations ont augmenté de quelques millions de francs. Les amortissements de l'année sont de 3 millions environ. Le taux de couverture des immobilisations est correct et semblable à la moyenne de la profession. Répétez. Comment se présente le bilan cette année? D'une manière satisfaisante, puisque nous finissons l'année avec des résultats positifs. On peut étudier rapidement les variations par rapport à celui de l'année dernière. Oui, je m'en tiendrai à faire remarquer que les immobilisations ont augmenté de quelques millions de francs. Les amortissements de l'année sont de 3 millions environ. Le taux de couverture des immobilisations est correct et semblable à la moyenne de la profession. Écoutez. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Cette société te paraît saine? À première vue, oui, d'après ce que tu me dis. Tu as demandé à voir les 3 derniers bilans et comptes d'exploitation? Oui, mais tu sais aussi bien que moi que ce n'est pas facile de se faire une idée de la situation d'une société uniquement d'après les bilans. Pour tout dire, ce qui me préoccupe un peu, c'est le niveau d'endettement à long terme. Répétez. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Cette société te paraît saine? À première vue, oui, d'après ce que tu me dis. Tu as demandé à voir les 3 derniers bilans et comptes d'exploitation. Oui, mais tu sais aussi bien que moi que ce n'est pas facile de se faire une idée de la situation d'une société uniquement d'après les bilans. Pour tout dire, ce qui me préoccupe un peu, c'est le niveau d'endettement à long terme.